Premier livre des Rois, chapitre 17. Alors Élie Tisbite, l'un de ceux qui s'étaient habitués à Galaa, dit à Achab, « L'Éternel le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années signé rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en disant, « Va-t'en d'ici, et tourne-toi vers l'Orient, et te cache au torrent de Kérit, qui est vis-à-vis du Jourdain. Tu boiras du torrent, et j'ai commandé au corbeau de t'y nourrir. » Il partit donc, et fit selon la parole de l'Éternel, il s'en alla, dis-je, et demeura au torrent de Kérit, vis-à-vis du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. Mais il arriva qu'au bout de quelques jours le torrent tarit, parce qu'il n'y avait point eu de pluie au pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, en disant, « Lève-toi, et t'en vas à Sarepta, qui est près de Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de t'y nourrir. » Il se leva donc, et s'en alla à Sarepta, et comme il fut arrivé à la porte de la ville, voilà, une femme veuve était là, qui amassait du bois, et il l'appela, et lui dit, « Je te prie, apporte-moi un peu d'eau dans un vaisseau, et que je boive. » Elle s'en alla pour en prendre, et il la rappela, et lui dit, « Je te prie, prends en ta main une bouchée de pain pour moi. » Mais elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, que je n'ai aucun gâteau, je n'ai que pleine ma main de farine dans une cruche, et un peu d'huile dans une fiole, et voici j'amasse deux bûches, puis je m'en irai, et je la prêterai pour moi et pour mon fils, et nous le mangerons, et après cela nous mourrons. » Et Élie lui dit, « Ne crains point, va, fais comme tu dis, mais fais-moi premièrement un petit gâteau, et apporte-le-moi, et puis tu en feras pour toi et pour ton fils. » Car ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la cruche, ne défaudra point, et l'huile qui est dans la fiole ne défaudra point, jusqu'à ce que l'Éternel donne de la pluie sur la terre. Elle s'en alla donc, et fit selon la parole d'Élie, et elle mangea, lui, et la famille de cette femme durant plusieurs jours. La farine de la cruche ne manqua point, et l'huile de la fiole ne tarit point, selon la parole que l'Éternel avait proférée par le moyen d'Élie. Après ces choses il arriva que le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et la maladie fut si forte, qu'il expira. Et elle dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler en mémoire mon iniquité, et pour faire mourir mon fils ?» Et il lui dit, « Donne-moi ton fils, » et il le prit du sein de cette femme, et le porta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il cria à l'Éternel, et dit, « Éternel mon Dieu, as-tu donc tellement affligé cette veuve avec laquelle je demeure, que tu lui aies fait mourir son fils ?» Et il s'étendit tout de son long sur l'enfant par trois fois, et cria à l'Éternel, et dit, « Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant rentre dans lui. » Et l'Éternel exauça la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant rentra dans lui, et il recouvra la vie. Et elle y prit l'enfant, et le fit descendre de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, en lui disant, « Regarde, ton fils vit. » Et la femme dit à Élie, « Je connais maintenant, que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel, qui est dans ta bouche, est la vérité. »